Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prières pour des bons dieux de comédie, c'est qu'on a besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs que l'on n'a pas, que l'on n'a pas. C'est qu'on a besoin de quelqu'un ou d'un amour ou bien d'un copain que l'on attend depuis longtemps. Quand on est seul sur son étoile, on ne voit pas le temps courir. On est au chaud et l'on s'installe comme un cheval qui va mourir. Quand on radote son enfance à des gens qui n'écoutent pas, quand tu te fais beau, c'est dimanche, et qu'après tout, tu ne sors pas. Oh, c'est que tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs que tu n'as pas, que tu n'as pas. C'est que tu as besoin de quelqu'un ou de l'amour ou d'un bon copain que tu attends depuis longtemps. Quand on est seul sur son étoile, il y a des fois des coups du bon Dieu et l'on est deux sur son étoile. C'est idiot, mais on est heureux. On n'a plus besoin de quelqu'un.